m'avais aimé le froid, pas avant que depuis chez moi. Mais sur les Champs-Élysées, tout dépend ce que l'on en fait. Il y avait des types qui vendaient des vins chauds à d'autres types qui se pelaient les os. Parmi les chants de Noël, il y eut un parfum de fleurs qui prit son début. Et comme le froid fait bien les choses avant moi, je veux que tu oses la belle. La belle, la belle, oh, belle sur la belle. La belle, la belle, oh, la belle sur tes lèvres. Des centaines de Chinois promenant avec des caméras. Mais sur ces Champs-Élysées, il n'y a que toi que je voyais. Et j'entendais des types criant au marron chaud, quand d'autres types recherchaient un métro. Si c'est Noël dans la rue, dans mes bras, mon cadeau ne bouge plus. Comme le froid fait les jours roses contre moi, je veux que tu oses la belle, la belle, la belle, oh, Vénus, la belle, la belle, la belle, oh, la belle sur tes lèvres. La belle, la belle, oh, Vénus, la belle, la belle, la belle, oh, Vénus, la belle, la belle, oh, Vénus, la belle, la belle, oh, la belle sur tes lèvres.